Bonjour à tous. Si vous souhaitez agir maintenant pour la sortie planifiée du nucléaire, en commençant par fermer les centrales les plus dangereuses et en garantissant l'emploi de tous et toutes les salariés du secteur, y compris celles et ceux des entreprises sous-traitantes et leur formation, ça se passe du 11 au 18 mars. Un vote citoyen, populaire. À l'appel de la France insoumise, vous pouvez retrouver des points de vote, que vous soyez inscrit ou non sur les listes électorales. Aujourd'hui, c'était sur le marché de Plouganou. Samedi, ce sera sur le marché de Morlaix, toute la matinée. Et également, samedi après-midi, à 16h, au café Livre chez Kaplan & Co, sur la commune de Guimec. Et bien évidemment, vous pouvez aussi voter sur le site de la France Insoumise, www.lafranceinsoumise.fr. Vous y retrouverez toutes les modalités de cette action citoyenne, ainsi que la possibilité de voter en ligne.